L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmet et David Zen Merowitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Quatrième épisode. هذا القابري يمكن دار حاجة كبيرة ما في بلك صح ما عنديش خبر لازم نسقسيوه Qu'est-ce que tu as fait J'ai tué un arabe Il faut que tu arranges ton lit pour te coucher Tu roules un bout de la natte Comme ça, ça te fait un traversin بالصلب بالصحبة الحربية قال هكذا بتكون مشكلة تاع ساعة رانا كاع كيف كيف في هذا الغار Toute la nuit des punaises ont couru sur mon visage Quelques jours après on m'a isolé dans une cellule où je couche sur un bas flanc de bois J'ai un baquet d'aisance et une cuvette de fer La prison est tout en haut de la ville, et par une petite fenêtre, je peux voir la mer. Hier, c'était samedi, et Marie est venue. J'ai eu très envie d'elle, parce qu'elle avait une belle robe à raies rouges et blanches, et des sandales de cuir. On devinait ses seins durs, et le brin du soleil lui faisait un visage de fleurs. Nous avons pris un autobus et nous sommes allés à quelques kilomètres d'Alger, sur une plage resserrée entre des rochers et bordée de roseaux du côté de la terre. Le soleil de 4 heures n'était pas trop chaud, mais l'eau était tiède, avec de petites vagues longues et paresseuses. Marie m'a appris un jeu. Tout en nageant, tu dois boire à la crête des vagues. Tu accumules... Dans ta bouche, toute l'écume. Et ensuite, tu te mets sur le dos pour projeter l'écume contre le ciel. Ça fait alors une dentelle moucheuse qui disparaît dans l'air ou retombe en pluie tiède sur le visage. Au bout de quelques temps, j'avais la bouche brûlée par l'amertume du sel. Marie m'a rejoint alors. Et s'est collée à moi, dans l'eau. Elle a mis sa bouche contre la mienne. Sa langue rafraîchissait mes lèvres. Nous nous sommes roulés dans les vagues pendant un moment. Quand nous nous sommes rhabillés sur la plage, Marie me regardait avec des yeux brillants. Je l'ai embrassée. À partir de ce moment, nous n'avons plus parlé. Je l'ai tenue contre moi et nous avons été pressés de trouver un autobus, de rentrer, d'aller chez moi et de nous jeter sur mon lit. J'avais laissé ma fenêtre ouverte et c'était bon de sentir la nuit d'été couler sur nos corps bruns. Ce matin, Marie est restée et je lui ai dit que nous déjeunerons ensemble. C'est le vieux Salamano qui a perdu son chien. Ils avaient l'air de la même race et pourtant ils se détestaient. Elle avait un de mes pyjamas dont elle avait retroussé les manches. J'ai eu encore envie d'elle. Viens par là. Est-ce que tu m'aimes ? Mais ça veut rien dire. Mais il me semble que non. Un baiser ? C'est terrible. Va chercher un agent. Je n'aime pas les agents. Je vais voir. Un agent est arrivé avec le locataire du deuxième qui est plombier. Il a frappé à la porte. Il m'a frappé, monsieur l'agent. Ton nom? Raymond Santès. Enlève ta cigarette de la bouche quand tu me parles! La cigarette de Raymond est tombée quelques mètres plus loin. Raymond a changé de visage, mais il n'a rien dit sur le moment. Et puis... Est-ce que je peux ramasser mon mégot? Tu peux. Et la prochaine fois, tu sauras qu'un agent, c'est pas un guignol. Monsieur l'agent, il m'a tapé au lapin. Il m'a tapé, c'était Macron. Ah, monsieur l'agent, c'est dans la loi, ça, de dire Macron à un homme? Ferme ta gueule! Attends, petit, on se retrouvera. Ferme-la! C'était net, tu vas pas... Allez, rentrez chez vous. Oula, oula... Rudy, ils vont te couper la gorge, tu vas voir. Ça... Toi, tu restes dans ta chambre en attendant d'être convoqué au commissariat. Tu devrais avoir honte d'être sourd au point de trembler comme tu le fais. Mais je ne suis pas sourd, monsieur l'agent. Seulement, je suis là devant vous. Je tremble, hein, c'est forcé. Hein. Tout le monde est parti. Marie et moi avons fini de préparer le déjeuner, mais elle n'avait pas faim. J'ai presque tout mangé. Marie est partie et j'ai dormi un peu. Vers 3 heures, on a frappé à ma porte et Raymond est entré. Je suis resté couché. Il s'est assis sur le bord de mon lit. Il est resté un moment sans parler. Comment ton affaire s'est passée? J'ai fait ce que je voulais faire, mais elle m'a donné une gifle, alors je l'ai battue. Le reste, tu as vu. Il me semble que maintenant elle est punie, tu dois être content. L'agent a beau faire, il ne changera rien au coup qu'elle a reçu. Ouais. Je connais bien les agents et je sais comment il faut s'y prendre avec eux. Tu attendais que je réponde à la gifle de l'agent? J'attendais rien du tout. Et d'ailleurs, je n'aime pas les agents. Il faut que tu sois mon témoin. Ça m'est égal, mais je ne sais pas ce que je dois dire. Il suffit de déclarer que la fille m'a manqué. J'ai accepté de lui servir de témoin. Nous sommes sortis et Raymond m'a offert une fine. Puis il a voulu faire une partie de billard et j'ai perdu de justesse. Il voulait ensuite aller au bordel, mais j'ai dit non parce que je n'aime pas ça. Alors nous sommes rentrés doucement et il me disait combien il était content d'avoir réussi à punir sa maîtresse. Je le trouvais très gentil avec moi. J'ai pensé que c'était un bon moment. De loin, nous avons aperçu sur le pas de la porte le vieux Salamano. Qui avait l'air agité. Sharon! Et votre chien? Je l'avais emmené au champ de manœuvre, comme d'habitude. Il y avait du monde autour des baraques foraines. Alors, je me suis arrêté pour regarder le roi de l'évasion. Et quand j'ai voulu repartir, il n'était plus là. Bien sûr, il y a longtemps que je voulais lui acheter un collier moins grand, mais et je n'aurais jamais cru que cette Sharon pouvait partir comme ça. Et votre chien s'est égaré, il va revenir. Certains chiens font des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Mais ils me prendront, vous comprenez? Si encore quelqu'un le recueillait, mais. Mais ce n'est pas possible. Il dégoûte tout le monde avec ses croûtes. Les agents le prendront, c'est sûr. Il faut aller à la fourrière. Et ils vous le rendront, moyennant le paiement de quelques droits. Ce serait élevé comme droit? Je sais pas. Donner de l'argent pour cette charogne? Ah ben, elle peut bien crever. Salaud! Charogne! Mais ils vont pas me le prendre, dit M. Meursault. Ils vont me le rendre. Ou qu'est-ce que je vais devenir? La fourrière garde les chiens 3 jours à la disposition de leur propriétaire. Et ensuite, elle en fait ce que bon lui semble. Il m'a regardé en silence. Il a fermé sa porte. Je l'ai entendu aller et venir. Son lit a craqué. Et au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison, j'ai compris qu'il pleurait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à maman. Ce soir, j'ai dîné au restaurant. J'avais déjà commencé à manger lorsqu'il est entré une bizarre petite femme. Je peux m'asseoir à votre table? Naturellement, vous pouvez. Elle a des gestes saccadés et des yeux brillants dans une petite figure de pomme. Elle se débarrasse de sa jaquette, s'assoit et consulte fiévreusement la carte. Elle appelle le patron et commande immédiatement tous ses plats. D'une voix à la fois précise et précipitée. En attendant les hors-d'œuvre, elle ouvre son sac, en sort un petit carré de papier et un crayon, fait d'avance l'addition, puis tire d'un gousset augmenté du pourboire la somme exacte qu'elle place devant elle. À ce moment, on lui apporte des hors-d'œuvre qu'elle engloutit à toute vitesse. En attendant le plat suivant, elle sort encore de son sac un crayon bleu et un magazine qui donne les programmes radiophoniques de la semaine. Avec beaucoup de soin, elle coche une à une presque toutes les émissions. Comme le magazine a une douzaine de pages, elle continue ce travail méticuleusement pendant tout le repas. J'ai déjà fini qu'elle coche encore avec la même application. Puis elle se lève, remet sa jaquette avec le même geste précis d'automate et elle part. Comme je n'avais rien à faire, je suis sorti aussi et je l'ai suivie un moment. Elle s'était placée sur la bordure du trottoir et avec une vitesse et une sûreté incroyables, elle suivait son chemin sans dévier et sans se retourner. J'ai fini par la perdre de vue et par revenir sur mes pas. J'ai pensé qu'elle était bizarre, mais je l'ai oubliée assez vite. Sur le pas de ma porte, j'ai trouvé le vieux Salamano. Mon chien n'était pas à la fourrière. Les employés m'ont dit que peut-être il a été écrasé. J'ai demandé si c'était pas possible de le savoir dans le commissariat, mais il paraît qu'on ne garde pas de traces de ces choses-là parce qu'elles arrivent tous les jours. Vous pouvez avoir un autre chien. J'étais habitué à celui-là. J'étais accroupi sur mon lit. Et Salamano s'était assis sur une chaise devant la table. Il me faisait face et il avait ses deux mains sur les genoux. Il avait gardé son vieux feutre. Il mâchonnait des bouts de phrases sous sa moustache jaunie. Il m'ennuyait un peu, mais je n'avais rien à faire. Pour dire quelque chose, je l'ai interrogé sur son chien. Il avait mauvais caractère. De temps en temps, on avait les prises de bec. Mais c'était un bon chien quand même. Vous ne l'aviez pas connu avant sa maladie. C'était le poil qu'il avait de plus beau. Je l'ai eu après la mort de ma femme. Je me suis marié assez tard. Dans ma jeunesse, j'ai eu envie de faire du théâtre. Au régiment, je jouais dans les vaudevilles militaires. Mais finalement, je suis rentré au chemin de fer. Je ne le regrette pas parce que maintenant j'ai une petite retraite. Je n'ai pas été heureux avec ma femme. Mais dans l'ensemble, je me suis bien habitué à elle. Quand elle est morte, je me suis senti très seul. Alors j'ai demandé un chien à un camarade d'atelier. Et j'ai eu celui-là, très jeune. Il a fallu que je le nourrisse au biberon. Mais comme un chien vit moins qu'un homme, nous avons fini par être vieux ensemble. Tous les soirs et tous les matins, depuis que le chien avait cette maladie de peau, j'ai passé de la pommade. Mais sa vraie maladie, c'était la vieillesse. Et la vieillesse, elle ne se guérit pas. Je m'en vais. Vous pouvez rester. Je suis ennuyé de ce qui est arrivé à votre chien. Merci. Votre Votre pauvre mère aimait beaucoup mon chien. Vous deviez être bien malheureux depuis qu'elle est morte. Je sais que dans le quartier, on vous a mal jugé parce que vous avez mis votre pauvre mère à l'asile, mais je vous connais, je sais que vous l'aimiez beaucoup. J'ignorais jusqu'ici qu'on me jugeait mal à cet égard. Mais l'asile m'avait paru une chose naturelle, puisque je n'avais pas assez d'argent pour faire garder maman. D'ailleurs, il y a longtemps qu'elle n'avait rien à me dire, et qu'elle s'ennuyait toute seule. Oui, à l'asile du moins, on se fait des camarades. Bon, excusez-moi, je veux dormir. Ma vie a changé maintenant et je ne sais pas trop ce que je vais faire. Pour la première fois depuis que je le connaissais, d'un geste furtif, il m'a tendu la main. Et j'ai senti les écailles de sa peau. J'espère que les chiens n'aboieront pas cette nuit. Je vais croire que c'est le mien. Après le départ du gardien, je me regarde dans ma gamelle de fer. Il me semble que mon image reste sérieuse, alors même que j'essaie de lui sourire. Je l'agite devant moi, je souris, et elle garde le même air sévère et triste. Le jour finit, et c'est l'heure dont je ne veux pas parler, l'heure sans nom, où les bruits du soir montent de tous les étages de la prison, dans un cortège de silence. Je m'approche de la lucarne, et dans la dernière lumière, je contemple une fois de plus mon image. Elle est toujours sérieuse. Et quoi d'étonnant, puisque à ce moment, je le suis aussi. Mais en même temps, et pour la première fois depuis des mois, j'entends distinctement le son de ma voix. Je la reconnais pour celle qui résonne déjà depuis de longs jours à mes oreilles. Et je comprends que, pendant tout ce temps, j'ai parlé seul. Non, il n'y a pas d'issue. Et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmet et David Zen Merowitz. Quatrième épisode. Avec Jean-Michel Dupuis, Meursault. Kader Kada, Majid Bouali, Majid Ziwan, les détenus arabes, Constance Dolé, Marie, Daniel Lalou, Salamano, Jean-Claude Leguet, Raymond Saintès, Fatia Faouzi, la femme battue, Georges Beauvillier, l'agent de police, Françoise-Henri Cumère, la femme du restaurant, et Vanessa Lapierre. Musique originale et contrebasse, Hélène Labarrière. Prise de son au Maroc, Nicole Marmet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Marie-Thérèse Ferrand. Assistante, Anne de Belchin. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.